Tout le monde sait que l'Irlande a été occupée militairement par les Anglais pendant 7 siècles et qu'elle a réussi finalement à s'en libérer. Pour bien comprendre la pièce que vous allez voir ce soir, Un otage, de l'écrivain irlandais Brendan Behan, il n'est pas mauvais de résumer les dernières étapes de cette libération parce qu'elles, en quelque sorte, elles constituent l'arrière-plan historique de cette pièce. En 1916, un groupe de patriotes sous le commandement d'un poète, Patrick Pearse, s'empare de la poste centrale de Dublin, proclame l'indépendance et proclame aussi la République. Une semaine plus tard, tous les révolutionnaires seront arrêtés, condamnés et exécutés. C'est cette fameuse semaine de Pâques qui reste un peu chez les Irlandais l'équivalent de ce que serait chez nous la prise de la Bastille. Le résultat, c'est du côté anglais, du côté des troupes d'occupation, une répression policière de plus en plus féroce, particulièrement de la part d'un corps spécial de la police, les Black and Tan, et du côté irlandais, c'est un réveil du sentiment national qui va mener à la victoire électorale le parti républicain. En 1920-21, l'Angleterre est enfin obligée de céder. Elle reconnaît théoriquement l'indépendance de l'Irlande du Sud, mais elle prétend conserver au nord les 6 comtés, en majorité protestants, qui composent la province de l'Ulster. Cette solution est évidemment boiteuse, puisque l'île a maintenant 2 capitales au lieu d'une, au nord Belfast, au sud Dublin, mais après une si longue guerre de résistance, il y a beaucoup de leaders, comme Michael Collins par exemple, qui considèrent qu'il vaut mieux signer ce traité que de continuer à se battre. Et il y a aussi ceux qui n'acceptent pas cette division du pays, ceux qui prétendent continuer la lutte, et ceux-là forment alors une armée secrète, l'Irish Republican Army, armée républicaine irlandaise, qui va commencer à, selon les meilleurs principes de la guérilla, à faire sauter les casernes, à attaquer des militaires dans le nord, etc. Brendan Behan, l'auteur de Un otage, a participé à ce mouvement clandestin. Il est même allé en prison pour y avoir milité depuis l'âge de 16 ans. C'est donc un écrivain essentiellement politique dans la lignée de son grand prédécesseur Ocasey, mais c'est aussi un des personnages très célèbres, très pittoresques de la chronique contemporaine, célèbre par ses bagarres, par son alcoolisme, un alcoolisme dont d'ailleurs il a fini par mourir. Extrêmement sensible à l'atmosphère dublinoise, il nous présente dans Un otage toute une galerie de personnages qui lui ressemblent et tous pleins de contradictions et de pittoresques, des personnages qui finalement vont donner à cette pièce, laquelle autrement ne pourrait n'être qu'une tragédie locale et politique, une dimension beaucoup plus universelle, puisque grâce à ces gens, elle va devenir une fresque très humaine, une fresque de l'humanité entière même, avec ses mensonges, ses illusions, ses rêves, ses contradictions et finalement sa vérité. Pour vous tromper de bord, allez dehors. Allez dehors! Qu'est-ce qu'on fait de mal? C'est incroyable! diable, pour qu'elle se prenne, celle-là? Si on avait été comme ça, une honnête putain ne ferait pas 3 shillings par siècle. Ah, mais tu ne ferais pas de mal dans cette maison, c'est un peu de tolérance. Va te faire dire une messe. Princesse Grace. Oui, Madame Meg. Sortez. Bien, Madame Meg. Viens, Riton, ne fais pas attention à ces créatures, elles sont pires que des bêtes. Rue-vous, allez vous faire voir ces monstres d'Amérique. Allez, la fête est finie, allez. Ah, Teresa, va chez le marchand de frites m'acheter un paquet de cigarettes, tu le feras mettre sur leur doigt. Oui, monsieur. Appelle-moi Pat. Bien, monsieur. Oh. Oh, bon Dieu, enfin un peu de calme. Et qu'est-ce que c'est, ça, encore? Ah, ça, c'est le général qui s'entraîne à la cornemuse. Il s'est mis dans la tête de jouer la marche funèbre pour ce gars demain matin qu'on va pendre à la prison de Belfast. Mais il ferait mieux de se la garder dans la tête, sa marche funèbre, parce que moi, la cornemuse, ça me tape sur la chèvre. Ouais, passe-moi une petite bière. Tu peux pas te déranger. Non, justement, je peux pas. Aujourd'hui, je peux pas bouger. À cause de ma vieille jambe que j'ai laissée au champ d'honneur. Oh là là, sacrément mal aujourd'hui, la vache. Qu'est-ce qu'elle a, des varices? Ben, des varices, Tu sais bien que c'est les doigts de pied qui me font mal. Mais ils peuvent plus te faire mal puisque t'en as plus. Ben non, justement, puisque j'en ai plus, d'aurait pu me faire mal, vas-y comprendre quelque chose. Ça doit être l'humidité. Si tu buvais moins, tu serais peut-être plus au sec, parce que il n'y a vraiment rien de plus humide que la bière. Tu devras avoir honte d'insulter un pauvre infirme, un vieux soldat qui a laissé sa jambe à la bataille de Mullingar. Dis donc, tu crois qu'ils vont vraiment le pendre, le petit gars, là, à Belfast, demain matin? Ah ben, il a descendu un Anglais, non? Demain matin à 8h, il se balancera aussi haut que le Kilimanjaro. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est une montagne sur la côte sud de la Suisse. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il mourrait comme un vrai soldat de la République irlandaise avec le sourire. Eh ben, ça lui fera une belle jambe. Et puis moi, ça ne me rendra pour la mienne. En tout cas, en voilà un qui connaît son devoir, lui. Ma parole, tu te crois toujours en 1920 quand les Anglais étaient ici? Bah, hé! Ils sont toujours là, les Anglais, non? Dans le Nord, capitale Belfast. Ma parole est encore plus salée que le général là-haut avec sa cornemuse. C'est déjà un péché de ne pas avoir de pendule, mais lui n'a même pas de calendrier. Non, écoutez, mettez-vous donc une bonne fois dans la tête que tout ça, c'est d'histoire ancienne. Fini, déblayé. Que tu me diras quoi ça pourrait servir, une armée républicaine et secrète, dans un pays où il n'y a plus de république ni de secret pour personne. Non, la guerre pour l'indépendance est aussi morte que le Foxtrot ou le Charleston. Oui, mais comme la cause, elle n'est pas morte, et qu'elle ne mourra pas tant que l'Irlande ne sera pas libérée du centre à la mer, alors vivons à la République, vivons à la liberté. À la liberté! Et allez donc, comme si j'avais pas assez de boulot à faire marcher une pension de famille. Et aussi un boxon. Un boxon! C'est le mot anglais pour bordel. Dis donc, tu seras gentil de garder pour toi ta réflexion sur les bordels, parce que d'abord, je ne suis pas une puce. Pourquoi? T'as rendu ta carte? Puis si j'en étais une, comme tu me piques le plus clair de ce que je gagne, alors toi, t'es un macro. Ah ben, je voudrais bien, mec, ce que tu gagnes, ben, j'irai pas loin. Je voudrais bien savoir comment tu la ferais marcher, la baraque, sans moi, hein, avec le peu d'argent que tu donnes, le général. Et qui s'occupe près de lui en Irlande, si j'étais pas là, moi, son vieux compagnon d'armes. Non, si je reste ici aujourd'hui avec lui, c'est en souvenir de nos campagnes, quand nous levions notre étendard contre l'ennemi héréditaire. Voilà. On ne reprochait pas à un homme dans ce temps-là d'avoir des varices quand il demandait une petite bière. Tiens, ben, je vais me chanter un petit couplet. Oh là là, non. Alfred, les Black and Tam. Au 18e jour de novembre, avec leur camion bourré d'hommes, les Black and Tam ferraille à vendre, vinrent en force nous pourfendre jusqu'à la ville de Macron. Il y en a combien des couplets? 12. Mais tous les gars de la brigade, dans les faubourgs bien à couvert, les attendaient en embuscade pour expédier à la grenade tous ces salauds chez Lucifer. huitième jour de novembre, de leurs camions et de leurs hommes, il n'est resté qu'un tas de cendres sous la pluie noire de l'Irlande. Gloire à la ville de Macron. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'es là, puis tu nous chantes tes cinq années glorieuses. Mais les petits jeunes d'aujourd'hui qui se battent et qui te font tellement, tellement rigoler, c'est pareil? Qu'est-ce qui a changé? La bombache. La quoi? Bâche! C'est celle-là qui m'inquiète. Elle est tellement grosse que ton armée républicaine irlandaise, ton IRA, ça me semble aussi démodé que la RAF, la SDN et toutes les armées à initiales. Tiens, y compris la garde suisse, mais ne se rend pas. Ah, tiens, la voilà, ta bombache. Merde ! Au général. Mes respects, mesdames. Repos. C'est quoi, Patrick, tout est prêt? Ah ouais, tout sera prêt. Mon général aura nettoyé la chambre. Bien, très bien, les troupes ne vont pas tarder. Les troupes? Non mais, mon Dieu, commandant, vous en attendez, mon général? Eh bien, les deux gardiens et le prisonnier. Le prisonnier? Oui, nous n'en avons qu'un pour le moment, mais c'est un bon début, les autres ne vont pas tarder. Ah ben, comme disent les Écossais, les petits whisky font les grandes ivresses. Ou comme nous disons, nous, en irlandais, ici, les Yegeal, nous, Togog, nous, Coslow, ce qui signifie les châteaux furent construits les uns après les autres. Non mais enfin, comment faites-vous pour parler si bien l'irlandais, mon général? Moi qui suis né à Dublin, je comprends jamais rien de ce que vous dites. Attends un peu, Marc! À nouveau le guépère? Oh, ben non, bon, tu vois, un ami d'enfance en costume marin. Ça n'est pas un espion, j'espère! Non, pensez-vous, mon général. Pardon, alors, ce prisonnier. C'est un Anglais! Un Tommy qu'on ne va pas tarder à capturer à la frontière. Le premier! Nous en aurons bientôt des charrettes! Dis donc, j'espère qu'il n'y a pas tous mes amis ici, parce que alors on est foutus, qu'est-ce que. Vous dites? Ah, ben, je dis. Ben, j'ai dit sans courage, mon général. L'Irlande se réveille. Excellent! Absolument excellent! Et allez donc. Ça y suffit pas que la baraque soit devenue une caserne avec qui veut en faire une prison. Ben, tu devrais être fier qu'on aide ceux qui se battent. Surtout ce pauvre petit gars qui vont pendre demain matin à Belfast. Mais qu'est-ce qu'il prend tout à coup de tracasser pour l'Irlande? Et d'abord, où t'étais, toi, en 1916, la semaine de Pâques, hein, quand on se battait pour de bon? J'étais pas né. Ouais, tiens, toujours la bonne excuse. Et où était ton armée républicaine irlandaise quand nous allions voler notre équipement, ce que chez l'ennemi? Comment voler? Tu m'as dit que t'avais acheté le tien dans un pub à un soldat anglais et que t'avais eu 200 cartouches, un revolver et une paire de bottes contre deux bouteilles de bière et un paquet de cigarettes. Ouais, j'aurais même pas dû donner tout ça, mais j'ai eu pitié. Pourquoi? Il avait engrossé ma sœur. Encore une pute! Monsieur Patrick! Cette place, c'est un polac! Ben, polonais, je vous dis! Elle fait polonais débarquer des bateaux polonais qui déchargent leur charbon polonais! C'est exact! C'est pas un immobile! C'est ce bateau! Alors, monsieur Pat, vous me le foutez dehors? Ben pourquoi il est sale ou quoi? Pire que cela, monsieur Patrick! C'est un communiste! C'est contre la religion d'avoir affaire à ces gens-là! Ni les hommes! Bonjour, Yaspovietchou! Mais qu'est-ce qu'il raconte? La seule raison de lui dire à titre, c'est qu'il n'a pas d'argent! Il a de l'argent? Monsieur Patrick, je suis surpris de vous entendre blasphémer comme ça! Il en a ou il en a pas? Il m'a impregné! Non, dis donc, hé, t'as de l'argent? Ni les hommes. De l'argent, monnaie, là, monnaie. Pignon, c'est. Tac! Tac! Oh! Eh ben, vous voyez, monsieur Mulady, l'argent, c'est encore la meilleure des religions. Et la meilleure des politiques. Eh ben, pourquoi tu m'avais pas dit que t'avais des dollars? Allez, viens! L'Irlande compte aujourd'hui sur le travail de tous, y compris les femmes. Repos. Euh, Ned, je vous prie de m'excuser. Je veux dire pour le polonais. Vous comprenez qu'en tant que bon chrétien, il m'était difficile de fermer les yeux plus longtemps. C'est dommage qu'on vous ait pas fermé une bonne fois pour toutes. Alors foutez-moi le camp et puis essayez pas de mettre le bon Dieu dans votre manche en disant du bien de lui. Bien, madame. Il y a autre chose, madame. Ah. Oui, mon linge. Oui. Ça fait 3 jours qu'il devrait être prêt. J'ai réunion d'un de mes comités ce soir. J'ai plus une seule chemise à me mettre sur le dos. Ah ben, vous devriez aller en demander une à l'amicale des anciens détenus. C'est justement cette amicale-là que je suis président. Eh ben, allez vous en laver une. Oh, madame. Mais... foutez-moi la paix, parce que sans ça, je vais vous réclamer votre loyer. Oh, madame, mais je vous en prie, ne recommencez pas. Vous savez bien que je ne peux pas. Mais à la fin du mois... Vous nous quittez. Allez me balayer votre chambre. Bien, bien joué. C'est une vraie calamité à d'avoir à loger, tu sais. Tout c'est bon à rien. Ah, mais je sais bien, c'est qu'un tas de voyous et de putains, mais que veux-tu, entre l'argent ou on peut. Non, moi, les putains, ça me dérange pas du tout. Mais le mal blanc, là, je peux pas le supporter. Donc, tu parles du général? Non, je parle de cette ordure de Milady. Il vaut pas beaucoup plus cher. Parce qu'il fait des grands discours sur la République. Il habite dans un bordel. Oui, je sais pas, ouais, il s'imagine que c'est toujours la guerre de libération qui continue. Tu te fous de moi? Ah non, parole d'honneur, il croit dur comme fer que tous les gens qui descendent ici, ce sont des patriotes et des républicains qui se cachent. Pour imbécile. Ah bah si. J'espère que nous pouvons compter sur tous vos hommes. Ah oui, nos vies sont entre leurs mains, mon général. Ils avaient du vacarme ici tout à l'heure, n'est-ce pas? Veillez d'armes, mon général. Oui, les hommes sont toujours un peu nerveux des nuits comme celle-là. C'est dans l'air. Vous le sentez, Patrick? Non, je sens rien. Patrick, voici une copie secrète des plans de bataille. Pour les chevaux? Non! Pour les hommes! Ah oui, largement. Quelle heure est-il? -5. Patrick, l'un des nôtres, le patriote Pixar, exact. C'est son nom de guerre, vient de faire 6 mois de prison pour la cause. Il habitera ici, à nos frais, pour le restant de ses jours. Ah oui, bien, mon général. Quelle heure est-il? -5. Je me retire. J'aimerais dormir un peu. La bataille! Et voilà. Ouais, le patriote Pixaï tire 6 mois pour vol à main armée, c'est à nous de le nourrir. Général, il est toujours plein de bonnes intentions, à la condition que ce soit les autres qui payent. Bon, ça, il n'est pas anglais pour rien. Comment anglais? Tu m'avais dit qu'il était irlandais. Anglais, son père était évêque. Comment? Évêque protestant. Ah, oui, avec eux, c'est autre chose. Il a fait ses études dans un grand collège en Angleterre, et puis il dormait dans la même chambre que le fils du roi. Oh, ben, fils d'évêque, il aurait pu dormir dans le même lit. Ah, il a connu la richesse, lui, tout le confort. Jusqu'au jour où il a découvert qu'il était irlandais. Enfin, vous voulez savoir, il est irlandais ou il est anglais? Mais ni l'un ni l'autre, c'est un anglo-irlandais. C'est quoi, ça? Eh ben, c'est le croisement d'un protestant avec un cheval. En somme, il n'était pas irlandais, mais il est devenu. Mais non, il l'était déjà, du côté de sa mère. Mais comme il détestait son père, quand elle est morte, ben il est venu ici, lui aussi, mourir pour l'Irlande. Oh, le pauvre. Je l'ai vu à la tête de son régiment, debout sur son cheval, son épée dans la main droite, l'étendard du Christ dans la main gauche. Il n'y a rien de plus dangereux. Oui, mais de toute façon, il est gâteux maintenant. Moi, j'ai pas l'impression qu'il était si gâteux que ça. L'armée de la République irlandaise se dérangerait pour venir lui parler. Surtout des officiers. Quels officiers? Le petit jeune homme qui est venu avant-hier. Mais comment sais-tu que c'est un officier? Bon, ben, je pense pas qu'ils enverraient le premier venu pour parler au général. Je suis peut-être pas général, mais j'ai pas les yeux dans la poche. Et je sais bien ce qui se mijote ici. Oh, ben, si j'ai un conseil à donner, c'est de la boucler, hein. Parce que tout ce que tu as vu, c'est rien à côté de ce que tu vas voir. Et ne va pas confondre la petite fouine de l'autre jour avec des soldats comme le général ou moi. Tu croyais qu'il était gâteux? Non, il était pas quand j'ai connu. Comment il est devenu? Au traité. Quel traité? Quel traité? Il n'y en a qu'un traité. Voyons, quand la moitié de nos chefs nous a vendus à l'Angleterre. Oh, les traîtres. Quand ils ont vendu nos six comtés du Nord et que tout le monde a dû jurer fidélité à la couronne d'Angleterre. Moi, les six comtés, j'y comprends pas grand-chose, mais enfin, pour ce qui est de jurer, ça n'a pas dû tellement déranger. Ouais, tiens. 5 ans de guerre sanglante, des milliers torturés, massacrés, et tout ça quand on tenait la victoire, pour qu'une bande de politiciens aille signer à Londres. Même Michael Collins. Enfin, lui, c'est autre chose, il s'est laissé embobiner par Lloyd George. Alors il a fini par céder. Ben moi, je l'aurais fait fusiller. C'est ce qu'on a fait. Ah, le pauvre. C'était pourtant un grand soldat. Il s'est battu 5 ans, et toujours avec le sourire. On l'appelait le prince rieur. Tiens, je vais te chanter une petite chanson en son honneur. Vas-y, Patrick, vas-y, vas-y. Alfred, le prince rieur. Qui guérira mon chagrin? Mon prince est mort au matin. Lui, si grand, si brave et si sincère, qui de l'anglais sonnait le glas. Il n'a connu pour tout salaire que le fusil d'un renégat. Qui guérira mon chagrin? S'il était mort à l'ennemi ou dans les prisons de Dublin, j'aurais pleuré d'orgueil sur lui, mais trop injuste est le destin. Jamais le bruit de ses pas. Il n'a connu pour tout salaire que le fusil d'un renégat. Qui guérira mon chagrin? Mon prince est mort au matin. Belle histoire. C'est toujours mieux que la télé. Ouais. Et elle n'est pas finie. Il y en a pour mal qui n'ont jamais digéré ce traité. On s'est battu, on s'est fait battre. Mais le général est resté fidèle à la cause. Et moi, je suis resté fidèle au général. Mais cacher les républicains, c'est pas ça qui vous fait manger. Alors on s'est mis à louer la baraque à n'importe qui. Et le noble manoir devint un noir bordel, avec l'aide de toi. Tenancière, mais bonne patriote. Oui, oh, bien sûr, bien sûr. Ne sommes-nous pas mari et femme? Enfin, presque. Presque. Oh, c'est intolérable, intolérable! Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous savez, Lady, vous savez ce qu'il fait dans sa chambre? Oh, entre nous soit dit, c'est vexant pour vous, Madame Meg, et pour la maison. Les femmes ici, c'est pourtant pas ça qui manque. Je prenais mon teub, je l'ai bien entendu. Nous, à votre place, je ne serais pas flatté qu'on amène ici les femmes du dehors. Une femme du dehors? Quel genre de femme? Une femme femelle. C'est pas l'unijambise du numéro 8, non? Non, une étrangère, si vous préférez. Ça fait une heure qu'elle est là, elle a dû monter par l'escalier de service. En tout cas, ils font un bruit, je vous passe les détails. Oh, le salaud. Pour qui me prend? Monsieur Mulady! Monsieur Mulady! C'est vous? Qui voulez-vous que ce soit? Ma chemise est prête? Descendez immédiatement avec cette créature. Quoi? C'est bien moi que vous appelez, Madame Meg? Mulady, c'est bien votre nom. Oui, alors c'est bien vous que j'appelle. Elle, je ne peux pas l'appeler, je ne connais pas son nom, à condition qu'elle en ait un d'ailleurs. Allez, descendez-moi immédiatement cette roulure. Non, mais, je vous en prie, Madame Meg. Je vous en prie. Elle pourrait vous entendre. Mais j'espère bien! Et approchez. Non, mais approchez, monsieur Mulady. Dites-moi, qu'est-ce qui vous prend de ramener des putains dans cette maison? C'est que c'est une dame. Mais c'est encore pire. Vous n'avez pas tout ce qu'il vous faut sous la main ici? Tout ce qu'il vous faut? Ah non, je suis très très déçu, monsieur Mulligny, très déçu. Quand je pense que j'ai pris votre défense chaque fois que celui-là a voulu vous foutre à la porte, vous vous souvenez? Oh, très très très bien, je me souviens très très bien. Et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Parce que lever le pied avec la caisse de la paroisse, c'est pas mal, hein? Oh, je vous en prie, pas dans des étrangères. Quel voleur, plus d'un longtemps que je m'en doutais. Ouais, ouais. Allez me la chercher immédiatement ou je vais monter moi-même. Ne dérangez pas. Miss Gilchrist. Fort! Miss Gilchrist! Voulez-vous descendre un instant, s'il vous plaît? Je termine le saut, car demain est mort. Demain est un autre jour. Mettez votre chapeau, nous allons faire un petit tour. Ah, parce qu'elle a un chapeau, en plus. Oh. Bonsoir. Quelles sont ces charmantes personnes? Je vous présente Monsieur Patrick. Comment allez-vous? Monsieur... Princesse Grace. Comment allez-vous? Madame Meg, c'est Miss Gilchrist. Gilchrist. C'est quoi comme nom, ça, déjà? C'est un vieux nom irlandais. Il vient de Giola Christ, c'est-à-dire serviteur, enfin, ou servante du Christ. Un drôle de servante du Christ, hein? Une salope, oui! Je reçois ces insultes comme notre Seigneur a reçu les siennes. Mais vous recevrez ce qu'on vous donne, comme tout le monde. Qu'est-ce que vous foutiez là-haut depuis 3 heures dans sa chambre? Alors, un quart d'heure tout au plus. 3 heures! Nous parlions de nos âmes. Nos âmes prisonnières implorent le Seigneur. Dans ces jours de misère, quittez notre ferveur. Et sous votre tutelle, faites que notre cœur vous demeure fidèle à vous, notre Sauveur. Prions, âme sincère, que le divin salut nous donne la lumière et guide nos vertus. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de déguerpir avant que je vous foute à la porte. Je prierai à votre attention. Vous voulez vraiment savoir ce que j'en fais? Non. Je lui pardonne, c'est une pauvre pécheresse. Et vous, une pute à mi-temps. Venez, Eustache, quittons ce lieu d'infamie, c'est Sodome et Gomorre. Je ne peux pas. Ah non? Ah non, j'ai pas payé mon loyer. Je prierai pour vous. Mon parapluie, s'il vous plaît. Reviendrez-vous, Miss Gilchrist? Oui, si le Seigneur m'en donne la force. Dieu vous bénisse, mesdames. Non, mais évangélique. Oh. Et ça se dit de l'armée du salut. Il y a de l'armée, il n'y a pas de salut. En tout cas, pour une maison comme la vôtre, c'est une drôle de réclame. Pour vous, hein. C'est à moi que vous parlez, oui, Mme Meg. Qui voulez-vous que ce soit? Oh, ça, c'est un con, là. Sans moi, vous ne saviez même pas ce qui se passait là-haut. Mouchard. Ah, bon, on la copiera, celle-là. Oh, ça y est. Elle m'a encore fait de la peine. Rita! Rita! Elle m'a encore fait de la peine. Là, vous faites bien des histoires pour pas grand-chose, hein. Pauvre Miss Gilchrist qui venait simplement me parler religion. Oui, je vous avertis, je ne souffrirai pas plus longtemps que vous me fassiez des remontrances. Vous semblez ne pas connaître mes antécédents, hein? Mon arrière-cousin était un Kilkenay de Kilcock. De Kilcock? Oui, madame, de Kilcock. Eh bien, allez payer votre chambre. Non, hein? Je ne souffrirai pas qu'on me traite ainsi. C'est fini votre numéro? Bien, madame. Bon, alors moi maintenant, hein, je vois bien mes cigarettes. Et voilà. Ben, cours pas comme ça, tu pourrais te casser une jambe. Tu t'es perdu? Oui. Faut faire les lits, Mme Meg. Ah ben, il serait temps, oui. Je m'excuse, monsieur, pour vos cigarettes. Il n'y a pas de monsieur ici. Bien, monsieur. Appelle-moi Pat. Monsieur Pat, je crois... Il y a un homme devant la porte. Et pourquoi il rentre pas? Ben, je sais pas. On dirait qu'il surveille. T'as un flic? Oh non, non. Il a l'air très convenable. Il a pas un imperméable et un brassard? Bah, comment vous le savez? Parce qu'il a la double vue. Il a un brassard écrit en irlandais. Ah bah, c'est un officier. Et il a un autre brassard où c'est écrit qu'il buvait jamais d'alcool. Alors c'est un officier supérieur. Oui, bah c'est le gars que j'attends. Maintenant, Teresa, j'ai quelque chose à te dire. Écoute, ça fait pas longtemps que tu travailles ici, mais t'es maintenant de la famille. J'espère que tu sais tenir ta langue, hein? Oui, monsieur. Bon, alors, il y a quelqu'un qui va venir ce soir, un étranger. Tout ce que t'auras à faire, c'est de lui porter ses repas et faire son lit. Pour le reste, cherche pas à comprendre. Entendu, monsieur. Si tu sais la boucler, tu pourras rester ici jusqu'à la fin de tes jours. Enfin, jusqu'à ce que tu te maries. Merci, monsieur. Je suis très heureuse ici. Bah, dis donc, t'es pas difficile. J'espère que vous serez content de mon travail. Oh, je serais plus content si tu rigolais de temps en temps. Il t'a toujours ton trèfle à quatre feuilles? Comment, monsieur? Oh, faut lui la paix avec tes saletés. Parce que j'en dis, c'est pour la clientèle, par ici, l'air sérieux, j'ai pas trop bien vu. Bah, c'est ma nature, monsieur. J'ai toujours été comme ça. Ouais. Tu sais chanter, au moins? Oui, monsieur. C'est ce qu'on va voir. Alfred, la grand-mère. Ouvre la porte en douceur. Laisse dehors les courants d'air. J'ai mangé mon pain dans les pleurs. Je n'ai ri qu'un jour sur la terre. Je n'ai ri qu'un jour, mon mignon. Le jour où le gros crucifix s'est décroché du plafond, a dégringolé tire-lit. Sauvez ma vieille grand-mère, que t'es fille de chanson, contre les maîtres de Luther. Tu la reçois pour ta maison. Ferme la porte en douceur, entre vite et toute la nuit. Nous jouerons comme frères et sœurs, au chant et à la souris. Devant les ennemis, tiens bon. La belle n'ouvre pas ton nid, mais entre vite, mon mignon. Et nous jouerons tire-lit. Et nous serons à digne lieu, au lion et à la licorne. Et nous serons bien tous les deux, moi ta rose et toi ma licorne. Qu'est-ce qu'elle a une jolie voix? Te v'là tout attendri. Tu sais à quoi tu ressembles en ce moment? Ouais. Elle a une pute au grand cœur. En tout cas, c'est ce que tu dirais si t'étais un peu plus sous. Maison encastrée dans bloc d'immeuble? Bon. Séparée des adjacentes par construction en ruine. Bon. Deux sorties. Bon. Accès au toit par grenier et trappe. Bon. Qui est le patron ici? C'est moi, monsieur. Escalier de cave actuellement encombré par détritus. Détritus? Mais il n'y a pas de détritus à la cave. Il y a que des liquages, un piano et les 60 volumes de l'Encyclopédie Britannique. Je regrette, faudra me déplier votre cave, c'est une issue de secours. Bien, monsieur. Qui sont ces femmes? Hein? Ah, oh, attendez que je mette mes lunettes, moi. Ah! Oh. Ah bon? Ah oui, monsieur. Faites-les sortir. Ah bien, monsieur. Allez, allez, allez. Et ces deux-là? C'est Meg, ma femme. Et Teresa la bonne. Qu'elle sorte aussi. Allez, descends les yeux, soldats de plomb. Puis-je voir vos installations sanitaires? Nos quoi? Vos commodités. Ah oui, par ici, monsieur. Et attention, en entrant, hein, ça glisse. Qu'est-ce que c'est? Un envoyé du QG? Oui, mon général. Très mal élevé. Qu'est-ce que c'est que ce guignol? Hein? C'est ma vieille mère. Un peu de sérieux, je vous prie. Signez ces papiers si tout est conforme. Votre registre, s'il vous plaît. Pourquoi? Vous voulez louer une chambre? Je désire simplement voir la liste de vos locataires. Très bien. Alors, Colette. Baba. Princesse Grace. Lady. O'Connell. O'Connell? Mais il est mort il y a 3 semaines. J'espère qu'ils ne me l'ont pas laissé là-haut. Écœurant. Écœurant. S'il n'avait tenu qu'à moi, nous n'aurions pas choisi un pareil endroit. Pourquoi? C'est pas assez bon pour un prisonnier? Pas pour l'armée républicaine irlandaise. Patrick Pearce a dit, pour servir une cause qui est sublime et sainte, un homme doit être un héros et un saint. Oui, oh ben, je voudrais bien savoir ce que vous êtes, vous. Puis d'ailleurs, j'ai l'impression que je vous ai déjà vu quelque part. Vous n'êtes jamais venu ici un samedi soir? Certainement pas. Ah ouais? Ça doit être votre frère. On nous arrête ici, nous sommes perdus dans l'opinion mondiale. Oui, oh ben, moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est l'opinion du tribunal militaire. Enfin, le quartier général sait ce qu'il fait. La police ne pensera jamais à nous chercher dans cet endroit. Vous avez déjà été en tôle? Jamais. Ça se voit. La police anglaise ne me fait pas peur. Oui, d'accord. Mais la prison comme patriote, qu'est-ce que ça représente pour vous? Naturellement, la perte de ma liberté. Croyez-moi, c'est pas le pire. Le pire, ce sont les autres patriotes. Qu'est-ce que vous dites? Ceux qui sont en cabane avec vous. De quelle branche vous êtes dans le mouvement? Il n'y a qu'une branche dans le mouvement. L'armée républicaine irlandaise. Oh non, ne croyez pas ça. L'indépendance, c'est plus compliqué. Là, je pensais comme vous en 25. On m'avait envoyé dans le Kerry. Le lendemain de la Révolution, les ouvriers agricoles s'étaient octroyés les 5000 hectares de l'Ortralie. Oui, ils s'étaient joyeusement partagé son domaine. Et ils étaient déjà en train de le labourer dans un très grand style. Alors, le quartier général m'envoyait leur dire de rendre les terres, vu que la question agraire ne serait réglée que quand nous aurions nos 32 comtés. Eh bien, savez-vous ce qu'ils m'ont répondu, les gars du Kerry? Que 32 comtés, c'était trop pour eux. Qu'ils n'étaient pas si gourmands. Et qu'en attendant, ils se contentaient de leurs 5000 hectares pour manger. Ils avaient tort sur la question agraire. C'est pas les questions qui les intéressaient, mais les réponses. Alors, moi, comme j'étais d'accord avec eux, je suis resté 6 mois pour les entraîner. À la fin, ils auraient été capables de battre l'armée irlandaise, l'armée officielle, tout le bazar, même la marine anglaise, si ça se trouve. C'était de la rébellion, vous auriez dû passer en cour martiale. Ah, ben j'y suis passé, en mon absence. Eh bien, on m'a condamné à mort en mon absence. Alors, je me suis dit qu'ils pouvaient aussi bien me fusiller en mon absence et aller se faire foutre. En mon absence. Assez. Je suis en mission officielle ici. Ouais. Montrez-moi la chambre du prisonnier. Très bien. Quand l'amenez-vous? Cette nuit. À quelle heure? Entre 9 et 11. Où qu'il est en ce moment? Nous ne l'avons pas encore. Oh, dieu, vous pourriez peut-être en acheter un à Uniprix. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Ça, alors vous vous trompez. La chambre ici, ça se paye d'avance. C'est de l'argent que vous voulez? Tout juste. Et puis, qu'est-ce qui vous a recommandé notre petit couvent? Je suis assistant à Saint-Vincent-de-Paul. Ah, je vois. Donne mon temps une baraque comme ça, hein? Pas un gars du mouvement n'y aurait mis les pieds. Dans votre temps, il n'y avait que des communistes dans le mouvement. Et alors, c'est l'IRA que vous êtes? Ou des FBI? Si je ne connaissais pas votre conduite en 1916, je vous signalerais comme suspect. Vous n'êtes pas indicateur, c'est déjà ça. Eh, l'argent d'avance, moi j'ai besoin d'un alibi. Si on se fait prendre, moi je joue des chambres. Ce qu'on fait dedans, ça me regarde pas. Vous pensez à votre peau? Tout juste, ça fasse un livre. Je n'ai pas d'argent sur moi. Eh ben, tâchez d'en trouver! Parce que moi, si je suis pas payé quand votre gars arrive, hein, je fous tout le monde dehors, escorte les prisonniers, compris? À votre place, j'en serais pas si sûr! Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes à Manille? Nous sommes occupés! Oh, je vais pas attendre toute la nuit, non? Monsieur Pat! Monsieur Pat! Ouais, qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, on va être sans pas! C'est le vol à la radio, ils sont en train de... Oh, c'est des informations! Oh, c'est pour ce pauvre jeune homme qui vont prendre la prison de Belfast. Bien sûr! Il vient de le dire! Condamné à mort, 18 ans transféré ce soir dans sa cellule. C'est l'annonce officielle par le gouvernement d'Irlande du Nord. Mais pardonnez-moi, ça c'est à moi, ça! Le gouverneur général, malgré les interventions, le pourvoi en grâce est jeté. Exécuté à 8h du matin par pendaison dans la cour de la prison centrale. Il n'y aura pas de commutation de peine. Ça veut dire quoi, ça? Eh ben, ça veut dire que c'est la fin. Mon Dieu. Oh, ils vont peut-être avoir pitié, quand même. Parce que... 18 ans, hein? 15 mots. Ce ne serait pas la première fois que les Anglais pendent de jeunes Irlandais de 18 ans. Et pas seulement des Irlandais, mais des Cypriotes, des Arabes, des Juifs. Et des Indiens, et des Africains. Enfin, monsieur de Valera, il pourrait peut-être faire quelque chose, quand même. De Valera. Mais il paraît que c'est un homme remarquable, qui parle cette langue. Eh ben, dommage que ça n'inclut pas l'anglais et l'irlandais, hein, parce qu'on comprend jamais rien à ce qu'il raconte, alors. Fisez-vous, ça recommence. C'est des nouveaux. Quelque chose d'important. Ben, si vous taisiez, je le saurais, non? Allons. Ils ont enlevé un soldat anglais. Quoi? Oui. Dans un bal, des gars de l'armée républicaine. Donnez-moi une heure, rendez-moi ça. Comme je connais les boutons, non? Soldat anglais, cantonné à Armagh, Ulster, a été kidnappé à la sortie d'un bal. On a tout lieu de croire que les auteurs de l'enlèvement appartiennent à l'organisation secrète de l'armée républicaine irlandaise, dont l'objectif, on le sait, est d'annexer par la violence les 6 comtés de l'Irlande du Nord. Les 3 hommes, aperçus dans une voiture noire, stationnant près du lieu de l'enlèvement, ont pris la fuite en direction de la frontière. L'enquête est ouverte. Toute personne susceptible de fournir des renseignements est priée d'en informer les autorités de Belfast ou de Dublin. Notre prochain bulletin d'information à 21h. Ça va, fermez ça! Patrick, venez dehors avec moi, j'ai à vous parler. Pauvre garçon. Tout seul, toute une nuit dans sa cellule à attendre qu'on vienne le chercher. Et c'est tellement ce qu'il doit ressentir. Ah oui, vous savez ça comment, vous? J'ai été en prison autrefois. Ah, c'est vrai, oui. J'avais oublié. Et c'est là que j'ai brisé le cœur de ma pauvre mère. Moi, j'ai jamais brisé le cœur de la mienne. Je t'ai jamais vue. Oh, comme c'est triste. Vous n'êtes pas de maman? J'ai déjà rencontré quelqu'un qui n'est pas de maman, vous. Alors, j'en ai une, mais je ne l'ai jamais connue. Oh, parlons. Pauvre madame, vous avez balayé votre chambre? Oh ben non, madame, elle était événement. Brouillez-vous, parce que sans ça, je vais vous réclamer votre loyer. Je vous en prie, madame. Sita. Oui, madame. Vous irez me chercher un carton de bière chez le marchand de fruits. Je vais mettre sur l'ardoise. Dépêche-toi, parce que Teresa et moi, on a du boulot. Tout de suite, madame. Verita, Verita, attends-moi, pognon. Oh, il est magnifique, non? Non, pas vite, pas vite, attends-moi, pognon, Rita. Il y en a des gens bizarres dans cette maison, ma mère. Des gens bizarres, il y en a partout, tu sais, ma fille. Moi, celui que j'aime bien, c'est ce vieux homme blond qui a l'air si doux avec son camarade. Ah oui, c'est Grace. Ouais, quel drôle de nom, hein. Oui, hein. Ils s'entendent bien tous les deux. Je comprends. J'ai jamais vu personne comme eux au couvent. Tiens, tu m'étonnes. Ça fait longtemps que tu l'as quitté, ton couvent? J'ai juste eu ma première place, comme je vous l'ai dit, dans cette famille à Drumcondra. Pourquoi t'es partie, là? T'avais forgé quelque chose? Qu'est-ce que vous dites? T'avais volé quelque chose? J'ai jamais rien volé de ma vie. Oh, ben, te fâche pas, moi non plus, j'ai jamais rien volé de ma vie. Et pourtant, c'est pas les occasions qui m'ont manqué, hein. Non, mais, voyez-vous, il y avait un séminariste dans la famille, là. Vous comprenez? Mais bon, ici, pour ça, tu seras tranquille. On verra pas. Les bonnes sœurs, elles le savent que t'as quitté ta place? Non. Elles seraient pas très contentes. On ne dit pas à Pat non plus, hein, pas la peine. Parce que tu sais, les hommes, hein, moi on leur en dit, mais on se porte. Soldats, demain matin à 8h01, le plus jeune d'entre nous tous paraîtra devant ses aïeux, les martyrs de l'Irlande, les héros d'il y a 300 ans. Je suis heureux et fier de voir que la vieille cause n'est pas encore morte dans l'esprit des jeunes. Et qu'il y en a encore qui savent se sacrifier pour l'Irlande. Avec l'aide de Dieu, il rejoindra bientôt les héros. C'est bien réconfortant quand on y pense. Oui, ça fait chaud au cœur. Je donnerai bien tout ce que j'ai au monde pour me trouver demain matin à 8h à sa place dans la prison de Belfast. En avant! Vers la victoire! Pour l'Irlande! En avant! Quel vieil imbécile! On n'a pas idée de dire que la mort d'un jeune homme vous fait plaisir? Et il l'a dit lui-même, le môme. Au tribunal, quand on l'a condamné à mort, il était fier et heureux de mourir pour la cause. Mais il sait même pas encore ce que c'est que la vie. Et toi, tu le sais? Oh ben, une fille à 18 ans, c'est plus qu'un garçon du même âge. Oui, c'est vrai. Pauvre môme, il a même pas eu le temps de souffrir pour une fille. Il a aimé que la cause et la cause lui a brisé le cœur. Et demain, c'est son pauvre cou qui sera brisé. Bon, ben, on va pas prendre le deuil avant l'heure. Alors, Alfred, un peu de musique, ça nous remontera. Continuez. La danse, j'adore ça. Ta gueule, avant. Y a rien de tel au monde que la terre. Comme paradis, j'ai jamais vu plus beau. Y a rien de tel au monde que la terre. Et j'espère bien y faire de mieux os. Ne jetez pas de pierre à votre mère, si elle en meurt, elle vous en voudra. Ne jetez pas de pierre à votre mère, jetez plutôt des femmes et à papa. Nous, les soldats, on est contents de voir le pôle sud si loin du pôle nord. Car si la bombe les mélange un beau soir, adieu ma vie, on est bouché les bras. Monsieur, je pourrais avoir une cigarette. Je ne fume pas. Et vous? Moi non plus. Vous aurez une tasse de thé dans un moment. Formidable! J'aurai une tasse de thé dans un moment. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? Bah, je me demandais si elle m'apporterait monter. Qui elle? La petite qui dansait tout à l'heure. Elle est pas mal roulée, hein. Surveille-le. Je vais voir si tu y arrives. Pas mal comme gars, hein? Mais un peu maigre. Oh non, 5 minutes là-haut, je te ferai pas payer. Laisse-moi foutre à toute la torée, allez, non! Après vous, Rita. Les dames d'abord, comme dans les naufrages. Contence, vous, comme des mouches. Qu'elle nous énerve, allez, viens, Rita. Allez, dépêchons, allons, dépêchons, et remontez là-haut. Allons! On peut pas les lâcher 2 minutes, alors. Allez, allez, allez. Teresa, tu peux y aller maintenant. Hello. Je me demandais si j'allais vous revoir. Bah, j'étais en train de vous faire du thé. Ah, ça c'est gentil. Vous pourriez peut-être m'aider au lieu de rester couché. Oh, pardon. Voilà. Hey, j'ai une tasse. Vous n'allez pas me tenir compagnie? J'ai déjà dîné. Ah. Vous avez de la chance, mec, vous a rajouté une belle tranche de lard. C'est une bonne vieille Meg. Qui c'est? C'est la patronne. Vous dansez drôlement bien, vous savez. Dites donc, vous avez l'air d'avoir plutôt faim. Hein? Ah ouais? C'est vrai qu'à votre âge, il faut manger. Il faut prendre des forces. Meg dit que vous devez manger 2 fois plus qu'une grande personne parce que vous avez double travail à faire. Comment ça, double travail? Bah, vivre et grandir. Comme tous les petits garçons. Le petit garçon, j'ai 19 ans. Moi aussi. Quel jour vous êtes né? Le 27 août. Eh ben moi, le 24 avril. Je suis plus vieille que vous. Comment vous appelez? Vous d'abord. Teresa. Teresa. C'est un nom bien irlandais, ça. Moi, je suis Leslie. Dites, Teresa, vous auriez pas une sèche? Pardon? Une cigarette. Ah non, merci, je ne fume pas. Non, je veux dire pour moi. Ah, pour vous. Attendez, je crois que j'en ai une. Elle est un peu écrasée, hein. Non, ça fait rien. C'est Monsieur Pat qui me l'a donné. Tenez. Et vous pourriez pas m'en procurer un paquet? Ben, je peux aller vous chercher des Afton, si vous voulez. Un paquet de 20? Oh non! Enfin, je veux dire, un paquet de 10, ça suffira. Vous n'aimez pas les cigarettes irlandaises? Les Afton? Oh, je les adore! Je les fume à la chaîne. Bon, ben, je vais vous en chercher un paquet de 20. La nuit sera longue. Oh. Vous cherchez quelque chose? Oh non! Oui, un cendrier. Sous le lit? Enfin... Et qui vous dit que c'est pas un moyen d'évasion que je cherche? Hein? Qui c'est? Un moyen d'évasion? Bah ben oui, ouais, après tout. Je suis prisonnier. Ah bah ben oui. Bon, excusez-moi, faut que j'aille, ils attendent le plateau. Hé, hey, vous reviendrez me voir? J'essaierai. Vous savez, j'ai du travail ici. Et qu'est-ce que vous faites le samedi soir? Je me lave un tablier pour le dimanche. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pardon, monsieur, est-ce que je pourrais... Mais vous n'avez pas fini de sautiller comme ça. C'est que j'ai envie de... Qu'est-ce qu'il veut? Il a envie d'aller faire un tour derrière les buissons. Eh bien, qu'il en empêche. La consigne. Je suis dans le même cas que lui et j'ai pas le droit de quitter mon poste avant une heure. Bon, ben, allez-y tous les deux. Faudrait demander à l'officier. Je vais l'appeler. Hé, hey, le héros! Qu'est-ce qui se passe? Un homme a envie d'eux, et c'est un secret militaire. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, allez-y tous les trois. Mais moi, j'ai pas envie de... Fix! Vous, passez devant. Vous deux, gardez-vous! En avant, arche! Une, deux, section! Repos! Vous deux, gardez la porte. Leslie? Qu'est-ce que vous faites ici, vous? Bah, où est-il? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Il vous intéresse, ce garçon? Mais non, je l'ai seulement lui apporté ses cigarettes. Donnez-moi ça. Ah, mais elles sont à lui, monsieur. Il m'avait donné de l'argent pour les acheter. Yeah! Oh, la main! Mission accomplie! Soulagé. Et moi? Silence! Où était-il? Mission secrète. Hé, Leslie, je... Suffit! Sortez d'ici, vous! Mêlez-vous de qui vous regarde? Dites-moi, cette fille, est-ce qu'elle est comme il faut? Non, faut pas penser à ça pendant le service. Non, je voulais dire... Est-ce qu'elle saura tenir sa langue? Bon, ben vous savez comment sont les femmes, elles parlent toujours de ces choses-là. Tout ce que je veux savoir, c'est si on peut se fier à elle. Vous avez peur qu'elle l'aide à se sauver? Exactement. J'ai plutôt l'impression qu'elle fera tout pour le retenir, ils ont l'air bien ensemble, non? Un peu trop, à mon avis. Et alors, ça vous fait pas plaisir de voir deux tourtereaux? Je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Ah, ben ça, il n'y a qu'à vous regarder pour le voir. Voyez-vous, il existe deux sortes d'hommes, le type sérieux et religieux comme vous et le plaisantin. Comme vous? Tout juste. Allez, l'argent du loyer, oui. Au moment où les cœurs de tous les vrais Irlandais battent pour nous, nous qui luttons pour sauver le martyr de Belfast, vous ne pensez qu'à l'argent. Que voulez-vous? Je ne suis pas un héros. Je suis en quelque sorte un ex-héros. Et si la police débarque ici... Je refuse d'envisager cette possibilité. Si la police débarque ici, vous pourrez toujours leur dire que j'ai fait ça pour de l'argent. Et les voilà, ils arrivent! Ils ont des tas de pancartes! Il y a des flics partout! C'est la manifestation, dépêchez-vous, quoi, alors! Ils sont au coin de la rue. Ils vont passer. Les voilà. Oh, voilà une procession. Des milliers, toute la ville. Mais pourquoi faire? Mais qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a pas de fusil? Quand on a des fusils, il faudra des canons. Et quand on a des canons, il faudrait... Il manquera toujours quelque chose. Dieu ne manquera jamais. Sinn Féin. Sinn Féin. Sinn Féin. C'est un paquet d'Afton. Merci. Vous en aurez besoin. Vous avez entendu? Oui, vaguement. C'est pour ce garçon qu'ils vont pendre à Belfast. Ah oui, j'ai lu ça dans le journal. À la caserne, il y en a que pour lui. Moi, je crois qu'ils le pardonneront au dernier moment. Oh, mais ça m'étonnerait, il a descendu un flic. Mais il est si jeune. Pour être pendu comme rebelle, il faut qu'il ait au moins 18 ans. Il les a? Oui. Chez nous, en Angleterre, c'est 19. Qu'est-ce que c'est? C'est le général qui s'entraîne à la cornemuse. Il va jouer la marche funèbre demain matin pour ce garçon, alors. Il faut qu'il s'exerce. Ben, en effet, il en a besoin. Ne vous moquez pas de lui. C'est un gentleman de chez vous. Il a fait ses études avec le roi. Quel roi? Bon, le vôtre. Mais on n'en a pas. Tout ce qu'on a, c'est un duc. Un duc? Un duc et une reine. N'empêche, le général, il vous a bien quitté, tout autant que vous êtes. Il est venu ici se battre pour l'Irlande. Oh, mais qui a fait quelque chose à l'Irlande? Mais vous, depuis des centaines d'années. Mais ça, c'est de l'histoire ancienne. Dans ce temps-là, tout le monde faisait quelque chose à quelqu'un. Et aujourd'hui, à Belfast? Mais ça n'a rien à voir. Enfin, on va quand même pas laisser les gars se balader en tirant sur les flics. C'est pas que j'aime les flics, non? Enfin, si tout le monde se mettait à les canarder, comment qu'y ferait la police? Dans les six comtés, c'est en char et en auto-blindé que la police fait sa ronde. Enfin, ce type, s'il était anglais, on le pendrait exactement pareil. Mais c'est parce que les Anglais occupent l'Irlande qu'il s'est battu. Et les Irlandais, ils occupent pas l'Angleterre, peut-être? Rien qu'à Londres, ils sont des milliers et personne ne leur fait rien. On les laisse tituber de pub en pub. Seulement, c'est Londres. C'est autre chose qu'ici. Tiens, ben, c'est là-bas qu'on devrait être tous les deux. Un samedi soir, à Piccadilly. Ah, vous ne valez pas mieux que les gens de Dublin. S'imaginent toujours qu'il n'y a qu'eux qui comptent. Vous n'êtes pas de Dublin, vous? Non. Une petite campagnarde, alors? Oui. J'ai été élevée chez les sœurs à Ballymahon. Et vous? Moi, je suis de la banlieue, Old Kentwood. C'est là qu'habitent vos parents? Ah, j'en ai pas. Vous êtes orphelin? Ça se voit pas. Un petit orphelin dans la tempête. Menteur. Garde à vous! Patrick, inspection hebdomadaire des troupes. Bien, mon général. Républicain et gaélique, à vos rangs. Excellente tenue. La coloniale, hein? Ah oui, mon général. Tenez-vous prêt, mon garçon. J'y serai, mon général. Vous faites du bon travail, ma chère. Continuez. Merci, mon général. Je m'en vais interroger le prisonnier. Oui, mon général. Rompez les rangs, toutes dans vos chambres. Oh. Allez, allez, allez. Il est en jupon, votre général. Que fait cette fille ici? Elle fraternise? Oh, pour l'instant, elle fait le lit. Je m'en vais interroger le prisonnier. Ah oui, mon général. En suivant strictement les règles de la Convention de Genève. Ah oui, mon général. Votre nom? Williams. Leslie Alan Williams. Garnison? Armagh, monsieur. Vous êtes content? Oh non, monsieur, quel bled. Tout est fermé à 10 heures, c'est mortel. Puis il n'y a pas moyen de boire un verre le dimanche. Je me demande vraiment pourquoi on nous a envoyé là. Tu vois, Patrick, leur morale est bas. Épouvantable. Pardon, monsieur, est-ce que j'ai droit à une question? Faites. À quoi ça sert, ces tuyaux de pipe? Ça, jeune homme, c'est l'instrument traditionnel d'une race noble et ancienne. Est-ce que j'ai droit à une autre question, monsieur? Allez-y. Qu'est-ce que c'est, au juste, une race? Une race, ce sont des hommes qui ont vécu ensemble au même endroit, pendant très longtemps. Ah ben, à ce compte-là, j'imagine que notre vieil adjudant, il représente une race à lui tout seul. Ça fait bien 40 ans qu'il croupit dans la même caserne. Focaille! Qu'est-ce que c'est, monsieur du Hongrois? Focaille! Qu'est-ce qu'il veut, de l'ail? Plus de culture, plus de tradition, rien! Oh, la tradition, alors là, monsieur, je vous demande pardon. On nous a donné une brochure là-dessus à l'orphelinat, quand on nous a appris à jouer au cricket. Vous jouez au cricket, vous? Oui, monsieur. Vous aimez ça? Ah, par Dieu, oui! Le cricket, sacré bon sens, cela me rappelle le bon vieux temps. C'est drôle comme ce garçon m'a fait revenir à la mémoire de vieux souvenirs. Ah, les étés de jadis. Patrick! Hein? Faites donner le pianiste! Alfred! La chanson du général. Je me souviens d'un vieux septembre, d'un été au cœur doré, d'une ombrelle et d'un jupon tendre, de la vieille odeur du thé. Mais quand viennent les saisons noires, qui nous parlent d'autrefois, qui demeurent en nos mémoires, les capitaines et les rois, qui demeurent en nos mémoires, les capitaines et les rois. Nous avons donné au monde le thé de Chine et de Ceylan, mais parmi ces joies profondes, remercions Dieu d'être né blanc. Réjouissons-nous avec patience d'avoir gardé nos humbles droits et d'honorer dans la vaillance nos capitaines et nos rois, et d'honorer dans la vaillance nos capitaines et nos rois. Pat, faites sortir ce vieil idiot. Garde! Personne ne peut entrer ici, compris? Personne! Oui, mon lieutenant. Mon lieutenant, est-ce que je pourrais être relevé temporairement de mes fonctions? Certainement pas. À deux minutes seulement. Je vous ai déjà dit non. Retournez à votre poste. À partir de maintenant, un peu de discipline ici ne ferait pas de mal. Je suis tout à fait de votre avis. Je dois donc vous demander ce que vous faites ici. J'inspecte le prisonnier. Je regrette, c'est mon affaire. Je vous prierai de ne plus remettre les pieds ici. Patrick, ce jeune homme est un peu nerveux et ça se comprend étant donné les circonstances, mais enfin tout de même, ça n'est pas une raison pour me traiter comme un vulgaire valet de la couronne. Tu sais où me trouver si tu as besoin de moi. Dans la chambre des cartes. Oui, je vais travailler un peu à l'offensive. Courage, petit! Ciao, général! Bon, assez de bêtises comme ça. À partir de maintenant, c'est moi-même qui vais surveiller le prisonnier. Bien, monsieur. Je pourrais savoir ce que vous avez l'intention de faire de moi, monsieur. Si vous la bouclez, il ne vous arrivera rien. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Oh oui. Parfait. Patrick, vous allez prendre la relève. Je vais jusqu'au bout de la rue inspecter les sentinelles. Oh, excusez-moi. Est-ce que nous sommes bien couverts de ce côté-là? Pourquoi? J'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Ça suffit avec vos plaisanteries stupides! Je vais sortir maintenant. Mais ils vont me voir. Oh non, ils sont partis pour un bout de temps. Allez, venez. Puis racontez-moi une histoire. Les Irlandais s'y connaissent en histoire, pas vrai? Moi, je connais aucune histoire. Oh, mais n'importe quoi, ça n'a pas besoin d'être drôle. Allez, venez vous asseoir. C'est juste pour passer le temps. Oui. Vous avez une longue nuit devant vous. Et lui aussi. Et qui est lui? Bah, vous savez bien. Celui de Belfast. Encore? Pardon, Leslie. Vous voulez que je vous raconte quand j'étais petite au couvent? D'accord, allez-y. Oh, c'était comme toutes les autres écoles. Sauf qu'on rentrait jamais chez soi. On jouait dans une grande cour toute pavée. Il y avait de quoi se casser en petits morceaux si on tombait. Mais de l'autre côté du mur, il y avait une grande prairie. Et les jours de fête ou quand c'était les vacances, on avait le droit d'y aller. C'était merveilleux. Quelquefois aussi, on nous emmenait nous baigner. Mais les sœurs étaient très sévères et si jamais il y avait un homme ou un garçon dans les environs, on... Enfin... Ben, quoi? Vous pouvez bien le dire, Teresa n'est plus des gosses. Eh ben, on n'avait pas le droit de se déshabiller du tout. Tenez, Leslie, même pour le bain de samedi, on devait mettre une chemise. Et même pour les petites de 4 ou 5 ans. Sans blague. Et vous? Qu'est-ce que vous mettiez? Nous? Ah, ben, rien du tout. On avait des douches. Qu'est-ce qu'on s'amusait? On s'aspergeait d'eau, on faisait un de ces chahuts. C'était le plus beau soir de la semaine. Nous, plus beau jour, c'était la procession de la Sainte Vierge. La quoi? La Sainte Vierge? Honte à vous! On vous prendra pour un protestant. Je le suis. Oh, pardon. Oh, y a pas de mal, moi-même, j'y pense jamais. Toujours est-il qu'on avait une grande fête. Et la bouffe était bonne? La quoi? Ben, la cuisine, si vous préférez. Mais vous comprenez pas la moitié de ce que je dis. Et vous n'écoutez pas ce que je raconte. Oh. Enfin, on avait une procession et moi je me trouvais avec les enfants mixtes. Qu'est-ce que c'est que ça, un enfant mixte? C'est un petit garçon ou une petite fille de moins de 5 ans. On les appelait les enfants mixtes parce que jusqu'à cet âge-là, les garçons et les filles étaient ensemble. Ben, j'aurais bien aimé être un enfant mixte, moi. Vous voulez que je vous raconte mon histoire, oui ou non? À 6 ans, les garçons allaient à l'orphelinat des grands. Et vous, vous étiez orpheline? Ben, vous m'aviez pas dit ça. Mais si, je vous l'ai dit. Eh ben, on est quitte. Maintenant, racontez-moi votre histoire d'enfant mixte. Ben voilà. Il y avait un petit garçon qui était tout seul et qui pleurait comme une fontaine. Son père était mort et sa mère l'avait abandonné. Tous les autres petits-enfants, ils riaient, ils s'amusaient. Mais lui, il était là, tout seul. Il était mixte, mais il était tout seul. Il n'arrêtait pas de pleurer. Alors, vous savez pas ce que j'ai fait? J'ai tressé une couronne de pâquerettes et je la lui ai posée sur la tête. Et j'ai accroché autour de son cou un collier de pâquerettes. Et je lui ai dit qu'il était le roi de mai. Alors il a tout oublié. Excepté qu'il était le roi de mai. Est-ce que vous feriez la même chose pour moi, Teresa, si j'étais un enfant mixte? Il y a une horloge qui sonne quelque part en ville. Je me demande quelle heure il peut être. Je sais pas. J'aimerais bien avoir une photo de vous, Teresa. Bah, pourquoi faire? Pour l'emmener avec moi. Je suis pas une star de cinéma. Et puis d'abord, j'ai pas de photo. On viendra peut-être me chercher cette nuit. Je vous reverrai peut-être plus jamais. Qu'est-ce que c'est? C'est ma médaille. Oh, bah, j'en ai de la chance. 9 mois de service et j'ai déjà une médaille. Bah, c'est tout ce que j'ai. Oh, elle est drôlement belle. Il te ressemble. Dites pas ça, Leslie. C'est... Ouais, c'est haute Sainte Vierge. C'est la mère de Dieu. C'est aussi la mère de tous les hommes. Dites, vous voulez bien la mettre autour de votre cou? C'est vous qui le faites, Teresa. Oh non, non, non! Bah quoi? Fais rien de mal. T'as jamais été au cinéma? Ben, si. Alors, t'as bien vu comment ça se passe? Je te prends dans mes bras. Je te regarde dans les yeux. Tout près. T'as même besoin de rien dire. Y a qu'à attendre que la musique commence. Je vous donnerai un pistolet et merci pour la médaille. Si vous me prenez, prenez, si vous me prenez la taille. Je vous donnerai un perroquet, un chapeau en poil de loup. Si vous me prenez, prenez, si vous me prenez par le cou. Je vous donnerai un coffret plein de bagues et de colliers. Si vous me prenez, prenez, si vous me prenez un baiser. Je vous donnerai un sablier et un grand bateau à rhum. Si vous me prenez, prenez, si vous me prenez pour femme. Je vous donnerai la clé d'un grand palais de bijoux. Si vous me prenez, prenez, si vous me prenez pour époux. Je vous donnerai un berger avec des femmes en or. Si vous me prenez, prenez, si tu me prends mon trésor. T'as même besoin de rien dire. Je suis trop pauvre pour être honnête, mais je voudrais ce soir, chère maman, vous envoyer cette boîte d'allumettes pour vous chauffer le cœur, chère maman. Teresa, Anne, défense d'entrée, mon lieutenant. Qu'est-ce qui se passe? C'est une femme qui essaie d'entrer. Je regrette, vous ne pouvez pas entrer. Mesure de sécurité. Mesure de décence. Il pourrait avoir enlevé son pantalon. Vous croyez que c'est la première fois que je vois un homme sans son pantalon? Ce qui m'étonnerait, c'est que vous en avez vu beaucoup avec. Je vous remercie. Ça a beau être un soldat britannique, c'est un garçon très correct. Oh, mais il y a plus d'un cœur d'or qui bat sous l'uniforme kaki. En tout cas, vous ne pouvez pas entrer. Eh ben, ça tombe bien parce que j'avais pas l'intention du tout d'entrer. Je ne faisais que passer. C'est monsieur qui m'a arrêté. Mais laissez-la donc entrer, bon sang, juste une seconde. J'ai en montré un peu le moral à ce garçon. Je ne pense pas que ce soit très indiqué. Il est sous notre protection et nous sommes moralement responsables de sa santé spirituelle. Enfin, d'une manière temporelle seulement. Oh, moi je l'aurais vu que d'une manière temporelle. Mais Jésus-Marie-Joseph, mais ce serait affreux s'il mourait en état de péché. Quoi, qu'est-ce qui parle de mourir? Qui va mourir? Tout le monde va mourir. Mais espérons pas avant la Noël. Voilà, hein, ce que vous avez fait. Maintenant, vous n'avez plus qu'à la laisser entrer. Vous auriez dû être plus discret, non? Deux minutes. Ah, ben elle était là tout le temps. Non, madame Maigle. Je suis juste entrée pour épousseter. Il n'y a pas de mal. Faut t'amuser un peu quand il fait tout noir dehors. Ça va, mon gars? Dites-moi, madame, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Ben, t'as pas besoin de me taper les genoux. Excusez-moi, madame. Vous voulez pas aller les trouver, leur demander pourquoi ils m'ont enlevé? Je demande seulement s'ils en savent quelque chose. Tu sais, il y a ceux qui en savent rien du tout. Et puis il y a ceux qui peuvent pas oublier. Je vois pas ce que vous voulez dire. Ben, il y a des choses qu'on peut pas oublier. Mais oublier? Écoute. Dans Russell Street, à Dublin, tout près de là où je suis né, un jour, les soldats anglais sont arrivés avec un tank. Puis ils ont tiré des obus dans les maisons. Moi, je suppose que c'était la guerre. Oui, c'était la guerre, oui. Et tu veux savoir contre qui on la faisait, la guerre? On la faisait contre des vieillards, des impotents, des infirmes et des femmes en couche. Mais pourquoi contre eux? Ben parce que tout ce qui pouvait encore bouger avait déjà foutu le camp. Dans une maison, on a retrouvé une vieille femme. Et sur le mur de sa chambre, il y avait encore le casque et le masque à gaz de son fils qui était mort au champ d'honneur sur la Somme. Je sais rien de tout ça, moi j'étais pas né. Tu veux en savoir plus long? Alors écoute. Qui nous chantera la semaine de Pâques? Les Pâques de sang qui furent notre honneur. Quand tout un pays de cordes et de sacs osa se dresser contre l'oppresseur, osa se lever contre la misère et la rage au cœur. Depuis 300 ans, pour jeter dehors les troupes d'Angleterre et planter enfin ses drapeaux au vent. De nous, Irlande, à la victoire, ton fils aîné pleure au cachot. Réveille-toi comme la dame, par le quartier pour les bourreaux. Par le nous avons lutté maison par maison. Il leur a fallu un croiseur de guerre, les gaz asphyxiants et 20 bataillons pour venir à bout de notre colère et traîner nos chefs au mur des prisons. De cette pièce anglophobe que ça m'étonnerait pas. En tout cas, si je le connaissais, je lui dirais deux mots. Ah ben, ça... Alfred, une petite gigue pour le moral, allez. De l'Irlande du Nord communique qu'il ne voit aucune raison d'accorder une commutation de peine aux jeunes condamnés à mort. Non, non, mais lis plus loin. Là. Ah oui, mais il y a mon nom dans le journal. Le soldat Leslie Alan Williams. C'est moi, regardez là, c'est moi. C'est oui, écrit. Oui, mais lisez plus loin. Mais c'est pas possible, il va être fusillé. Évangélie, qui êtes-vous? Oh, je suis salutiste, pauvre petit exilé. Je me sens pleine d'affection pour lui, comme s'il était mon fils. Nos âmes prisonnières, un plan... À la ferme! C'est une déclaration communiquée aujourd'hui à toutes les agences de presse. Il a été pris comme otage. C'est moi l'otage? Si. Exécuté, l'armée républicaine irlandaise déclare que par mesure de représailles, le soldat Leslie Alan Williams sera fusillé. Ça veut dire qu'on va m'exécuter. J'en ai peur. Mais pourquoi? Vous êtes l'otage. J'ai rien fait de mal. C'est la guerre. Il y en a bien un de vous qui me sortira de là, hein? Les salauds! Musique!